Lettre d'une jeune mère. Lettre d'une jeune mère à son amie. Ce sont les petits bonnets à trois pièces dont j'ai bien besoin, ma bonne Marie. Sois donc assez gentil pour m'envoyer le modèle des brassières de ton invention, tu sais. Merci de ton couvre-pied, chère bonne amie. Il est douillet, souple, chaud, ravissant, et mon bébé, dans cette laine blanche, semble un bouton de rose caché dans la neige. Je deviens poétique, pas vrai ? Mais que veux-tu ? Mon pauvre cœur déborde de joie. Mon fils, comprends-tu, cher ami, mon fils à moi ? Quand j'ai entendu le cri aigu de ce petit être, que ma mère me montrait de loin, étendu dans son tablier, il m'a semblé qu'un frisson d'amour me passait brûlant dans les veines. J'ai crié, j'ai pleuré. La tête chauve de mon vieux docteur se trouvait là. Je m'en suis emparée et je l'ai embrassée trois fois. « Mais calmez-vous donc, chère petite, me disait-il. Docteur, taisez-vous ou je vous embrasse encore. Donnez-moi mon bébé, mon amour. Êtes-vous bien sûr que ce soit un fils ?» Et, dans le salon voisin, où toute la famille attendait l'événement, j'entendais, au milieu des baisers, ces mots délicieux « C'est un garçon, un gros garçon !» Mon pauvre mari, qui depuis 12 heures ne m'avait pas quitté, brisé d'émotion et de fatigue, pleurait et riait dans un coin de la chambre. « Allons, la garde, emmailloter promptement. Pas d'épingle. Je veux des cordons, sac à papier. Je veux des cordons. Vous dites, donnez-moi l'enfant, vous n'y entendez rien. » Et le brave docteur, en un tour de main, a habillé mon enfant. « Il a l'air d'un colonel, votre garçon. Mettez-le au berceau avec une... Allons, du calme, chère petite. Avec une boule aux pieds. Pas trop de feu dans la chambre du colonel, surtout. Maintenant, plus de bruit, du repos, et que tout le monde s'en aille. » Et, comme dans la fente de la porte entr'ouverte, ma tante Ursule chuchotait tout bas, « Docteur, laissez-moi entrer pour lui serrer la main seulement, docteur. Sac à papier, que tout le monde s'en aille. Il faut du silence et du calme. » On est parti. « Octave, a ajouté le docteur, viens embrasser ta femme maintenant et que cela soit fini. Bonne petite femme, elle a été bien courageuse. Octave, viens embrasser ta femme et dépêche-toi, si tu ne veux pas que je l'embrasse moi-même. C'est que je le ferai comme je te le dis, ajouta-t-il en menaçant. Octave, perdu dans le berceau de son enfant, n'entendait rien. Bon, il va m'étouffer mon colonel maintenant. Mon mari est enfin arrivé. Il m'a tendu sa main qui tremblait d'émotion et je l'ai serrée de toutes mes forces. Si mon cœur, dans ce moment-là, ne s'est pas brisé, c'est que le bon Dieu, sans doute, a pensé que j'en aurais encore besoin. Tu sais, ma bonne Marie, avant d'avoir un enfant, on s'aime bien en ménage, mais on s'aime pour soi, tandis qu'après, on s'aime pour lui, le cher amour, qui, dans sa petite main mignonne, rive à jamais la chaîne. Dieu permet donc que le cœur se dédouble et se gonfle. Le mien était plein, mon bébé arrive et s'y loge tout entier. Rien ne déborde. Et je sens encore qu'il y a place pour ma mère et pour toi. Vois un peu. Tu me l'as dit et tu as dit vrai. C'est une vie nouvelle, la vie de l'amour profond, du dévouement délicieux. Toute mon existence passée m'apparaît insignifiante, incolore. Et je m'aperçois que je commence à vivre. Je suis fière comme un soldat qui s'est battu. Épouse et mère, ce sont nos épaulettes. Grand-maman, c'est le bâton de maréchal. Comme je vais la rendre douce, l'existence de ces deux êtres aimés, comme je vais les chérir. Tiens, je suis folle, je pleure, je voudrais t'embrasser. Je crois que je suis trop heureuse. Mon mari est vraiment bon. Il tient son enfant avec une gaucherie si gracieuse. Il met tant d'efforts pour soulever ce mince fardeau. Lorsqu'il me la porte, caché dans les couvertures, il marche à petits pas lents et prudents. On dirait que le sol va s'effondrer sous lui. Puis il place le trésor dans mon lit, tout près, sur un bel oreiller festonné. On le part, on l'installe, et si, après bien des efforts, nous arrivons à le faire sourire, ce sont des joies sans fin. Souvent, mon mari et moi, nous restons devant ce petit être, la tête appuyée dans nos mains. Nous suivons en silence les mouvements incertains et charmants de cette menotte aux ongles roses qui s'agite sur la soie. Et nous trouvons dans cette contemplation commune un charme si profond de bonheur et de calme qu'il faut un événement pour nous en arracher. Ce sont, sur la forme de son front et la couleur de ses yeux, des discussions à mourir de rire, qui se terminent toujours par des projets d'avenir, bien fous sans doute, mais si charmants à faire. Octave veut le lancer dans la diplomatie. Il a l'œil du métier, assure-t-il. Ses gestes sont rares, mais pleins de finesse. pauvre cher petit ambassadeur qui n'a que 3 cheveux, comme Cadet-Roussel. Mais aussi quels amours de cheveux que ces 3 fils d'or qui frisent sur sa nuque au-dessus du sillon rose où la peau est si fraîche et si fine que les baisers vont s'y loger d'eux-mêmes. Il y a dans tout son petit corps un parfum de bébé qui me grise et me fait bondir le cœur. Quels sont donc, cher ami, les liens invisibles qui nous unissent à nos enfants? Est-ce donc une parcelle de notre âme, une portion de notre vie qui les anime et les fait vivre? Il faut qu'il y ait de cela, car je lis dans les brouillards de sa petite pensée. Je devine ses désirs, je sais quand il a froid, je prévois s'il a faim. Sais-tu le moment délicieux? C'est celui où, après avoir fait son repas du soir, s'être gorgé de lait comme un petit chat gourmand, il s'endort, les joues roses, sur mon bras qui le berce. Ses membres s'affaissent lentement, sa tête se penche sur ma poitrine, ses yeux se ferment, tandis que sa bouche entr'ouverte répète encore les mouvements réguliers qu'il faisait tout à l'heure en tétant. Sa respiration tiède et humide effleure ma main qui le soutient. Alors je l'enferme douillettement dans ma robe relevée. Je cache ses petits pieds sous les langes et je contemple mon chéri. Je l'ai là, bien à moi, sur mes genoux. Pas un tressaillement de son être qui m'échappe et ne vibre en moi. Je sens au fond de mon cœur un miroir qui le reflète. Je le sens à la fois tout entier. Il est encore en moi. N'est-ce point mon lait qui le nourrit, ma voix qui l'endort et le calme, ma main qui l'habille et le caresse, le rassure et le soutient? Et le sentiment que je suis tout pour lui ajoute encore un charme de délicieuse protection au bonheur de l'avoir mis au monde. Quand je pense qu'il y a des femmes qui passent à côté de ces tendresses sans détourner la tête, les folles, oui, le présent est beau, et je me grise de bonheur. Il y a aussi l'avenir, là-bas, dans le nuage. J'y pense souvent, et je ne sais pourquoi je frissonne comme à l'approche de l'orage. Folie, je l'aimerais si discrètement, je lui rendrais si léger le poids de mon affection. Pourquoi s'éloignerait-il de moi? Ne serais-je pas à temps devenir son ami? Ne serais-je pas, lorsqu'un duvet noirâtre voilera cette petite lèvre rosée, lorsque l'oiseau, sentant ses ailes grandir, voudra s'élancer hors du nid, ne serais-je pas le ramener, par des liens invisibles, dans ses bras où il dort maintenant? Peut-être, en ce vilain moment qu'on nomme la jeunesse des hommes, m'oublieras-tu pour un instant, cher petit? D'autres mains que les miennes, peut-être, écarteront les cheveux de ton front de 20 ans. Hélas! D'autres lèvres se poseront brûlantes où les miennes se posaient, effaceront d'un baiser 20 années de caresses. Oui, mais quand tu reviendras de cet enivrant et dur voyage, brisé, transi, tu te réfugieras bien vite dans ces bras qui te berçaient autrefois. Tu cacheras ta pauvre tête inquiète là où elle est maintenant. Tu me demanderas d'essuyer tes larmes, de te faire oublier les meurtrissures du chemin, et je te donnerai en pleurant de joie le baiser qui console et fait espérer. Mais je m'aperçois que je t'écris un volume, ma bonne Marie. Je ne veux pas relire, car je n'oserai plus t'envoyer ma lettre. Que veux-tu? Je perds un peu la tête. Je n'ai pas encore l'habitude de ce bonheur-là. Bien à toi. 4 ans plus tard. Oui, ma chère, c'est un homme, et un homme pour de bon. Il est revenu de la campagne grossi de moitié, et diable à faire plaisir. Il monte sur les chaises, arrête les pendules, et met les mains dans ses poches comme un propriétaire. Lorsque je vois le matin dans l'antichambre les petits souliers de mon bébé s'étalant fièrement à côté des bottes paternelles, je fais malgré moi un retour vers ce passé si proche encore. Hier, les langes, aujourd'hui les bottines, demain les éperons. Mon Dieu, comme ils s'envolent, les jours heureux. Déjà 4 ans. C'est à peine si je pourrais le porter, en admettant qu'il me le permît, car sa dignité d'homme devient chatouilleuse. Il passe la moitié de sa vie armé en guerre. Ses pistolets, ses fusils, ses fouets et ses sabres encombrent la maison. Il a dans ses mouvements une franchise de bonne santé qui me ravit. Ne va pas croire, après tout cela, que mon démon n'a plus rien de bon. Il est ange à 16 heures et me rend largement les caresses que je lui donne. Le soir après dîner, il se blottit dans mon fauteuil, me prend la tête de ses 2 mains et me coiffe à sa guise. Sa petite bouche fraîche se promène sur mon visage. Il m'applique sur le cou de gros baisers sonores qui me font frissonner tout entière. Nous avons ensemble des causeries interminables. Les « pourquoi » pleuvent comme grêle, et à tous ces « pourquoi » il faut de vraies réponses, car l'intelligence des enfants est avant tout logique. Je n'en veux pour preuve qu'un mot de lui que voici. Sa grand-mère est un peu souffrante, et chaque soir, il ajoute à sa prière ces paroles toutes simples « Mon Dieu, rendez la santé à bonne maman, que j'aime de tout mon cœur. » Mais pour plus de précision, il ajoute lui-même « Vous savez, mon Dieu, bonne maman qui demeure rue Saint-Louis, au premier. » Il dit cela avec une expression de naïve confiance et un sérieux si gracieusement comique, le cher amour. Tu comprends, c'est pour éviter au bon Dieu la peine de chercher l'adresse. Je te quitte, je l'entends tousser. Je ne sais s'il a pris froid, mais depuis ce matin je lui trouve l'air abattu. Ne te moque pas de moi, je ne suis pas autrement inquiète. Je t'embrasse de tout cœur. » Hier, il y a eu une consultation. En s'en allant, mon vieux docteur avait les yeux humides. Il se cachait, mais je l'ai vu. J'ai vu cette larme. Mon enfant est donc bien mal ? Cette pensée est atroce, ma pauvre amie. On veut me rassurer, mais je tremble. La nuit n'a pas été meilleure. Toujours cette fièvre. Si tu voyais ce qu'est devenu ce beau petit corps que nous admirions tant, je ne veux pas songer à ce que Dieu me réserve. On a ordonné de la glace sur la tête. Il a fallu couper ses cheveux. Pauvre petite boucle blonde que le vent soulevait quand il courait après son cerceau. C'est affreux. J'ai des visions horribles. Mon enfant, mon pauvre enfant, il est tellement faible qu'il ne sort plus un mot de ses petites lèvres desséchées et pâlies. Ses grands yeux, qui brillent encore parfois au fond de leur orbite, me sourient de temps en temps. Mais ce sourire est si doux et si pâle qu'il ressemble à un adieu. Un adieu ? Mais que deviendrai-je ? Non, je m'exagère, sans doute. Ce matin, le croyant endormi, je n'ai pu retenir un sanglot. Ses lèvres se sont ouvertes alors et il m'a dit bien bas, si bas qu'il a fallu approcher mon oreille pour l'entendre. « Tu m'aimes donc bien, mère ? Si je l'aime, j'en mourrai. Ta vieille amie. » Nice. On m'a fait venir ici et je n'en ressens aucun bien. Chaque jour augmente ma faiblesse. Je crache toujours le sang. De quoi veut-on me guérir, d'ailleurs ? Si je ne revenais plus à Paris, tu trouveras dans mon armoire à glace ces derniers joujoux. La trace de ces petits doigts y est encore visible. À gauche est la branche de buis qui pendait à son lit. Que tes mains seules touchent à tout cela. Brûle ces chères reliques, ces pauvres témoins d'un bonheur écroulé. Tu vois encore, tiens, les sanglots m'étouffent. Adieu, mon ami, que veux-tu ? J'ai bâti trop haut sur un sol trop fragile. J'ai trop aimé d'un seul coup. À toi, de cœur.